britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Et nous avons un proverbe turc qui dit « Quand Dieu te ferme une porte, il ne tardera pas à t'en ouvrir une plus grande porte. » Et cette grande porte, c'est la Russie et les autres états de l'ancien empire soviétique. Je peux même vous dire que cette porte est bien plus grande que le marché commun actuellement pour la Turquie. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voici, sous les yeux du monde, deux coqs crêtés face à face. Entendez Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, le président russe et le président turc. Deux dirigeants populistes qui ne sont pas sans similitude. Tous deux autocrates ardents à brider les règles démocratiques. Tous deux volontaristes et autoritaires. Tous deux se berçant de l'illusion de pouvoir restaurer une grandeur nationale gravement ébréché par les vicissitudes du siècle. Grandeur russe ou soviétique d'un côté, grandeur ottomane de l'autre. Voici à peine plus d'un an pourtant, en décembre 2014, ils avaient publié ensemble, avec solennité, presque avec enthousiasme, un accord dans le domaine de l'énergie qui aurait dû se concrétiser avec la construction d'un gazoduc qui aurait passé sous la mer Noire jusqu'à la frontière entre la Turquie et la Grèce. 11 mois plus tard, changement complet de décor dans le climat de la guerre ambiante. L'armée turque, ayant abattu à sa frontière un bombardier russe opérant en Syrie, de violentes imprécations mutuelles ont surgi, aboutissant à des sanctions économiques pour commencer. Or, on est fondé à observer que cette volte-face partagée, accomplie à très court terme, représente assez bien en somme, quasi métaphoriquement, les violentes sinusoïdes qu'ont connues depuis des siècles les relations de la Russie et du monde ottoman dans la paix comme dans la guerre. C'est à les retracer et à les interpréter que cette émission sera consacrée, afin d'en éclairer et d'en comprendre la portée en Europe et au-delà, dans la longue durée. Marie-Pierre Rey, professeure d'histoire russe et soviétique à la Sorbonne, est mon invitée, parce que cette question compliquée n'a pas de secret pour elle. Le Sukhoi 24 vient d'être touché par l'aviation turque. Transformé en boule de feu, le bombardier russe vient s'écraser sur ces montagnes du nord-ouest de la Syrie. L'avion de chasse russe a-t-il violé l'espace aérien turc? C'est ce qu'affirme Ankara. Sur un plan de vol rendu public par l'armée turque que nous avons reconstitué, on voit le Sukhoi passer brièvement au-dessus de la Turquie avant d'être abattu en Syrie. Une version que la Russie ne cherche plus à nier. Ce qui n'enlève rien à la colère froide de Vladimir Poutine. En aucun cas, nos avions et nos pilotes ne représentaient une menace pour la République turque. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un coup de poignard dans le dos de la part des complices des terroristes. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. Sur ces images, deux parachutes, les pilotes russes ont réussi à s'éjecter, avant d'échouer eux aussi sur ces montagnes, contrôlées par des rebelles syriens. Ils ont diffusé une vidéo. On y voit des combattants rebelles autour d'un corps. La Russie confirme la mort d'un des deux pilotes. Des hélicoptères russes ont bien tenté de récupérer les pilotes, mais un autre de leurs soldats est mort lors de ces opérations de sauvetage. Peut-être tué par ce missile tiré par des rebelles syriens. Ce reportage qui a été diffusé sur France 2 le 24 novembre 2015, le 24 novembre dernier, au journal télévisé de 20h, rend assez bien compte, me semble-t-il, de cette brusque poussée de tension entre, entre deux pays, entre deux dirigeants qui pourtant donnaient le sentiment de s'accommoder assez bien l'un de l'autre. Oui, c'est un tournant majeur et ce grave incident militaire, qualifié selon l'expression de Vladimir Poutine de coup de poignard dans le dos, a contribué à une dégradation extrêmement rapide des relations entre la Russie et la Turquie, évidemment sur fond de crise géopolitique extrêmement aiguë, que les deux dirigeants avaient en quelque sorte mis de côté au titre d'intérêts économiques mutuels qu'ils voulaient faire prospérer et dont la rencontre de décembre 2014 avait été un écho. Donc on voit bien une crispation, les formules de part et d'autre attestent une sorte de surenchère verbale. Depuis cet incident très grave, la surenchère a pris de l'ampleur. On a un jeu de sanctions, de contre-sanctions. On a fait cette comparaison un peu zoologique, et bien les chroniqueurs, entre ces deux coqs, je l'évoquais. Oui. Est-ce que l'impression peut-être que tout ça a été plus ou moins planifié d'un côté ou de l'autre, ou bien que, comme souvent en histoire, il y a une sorte d'enchaînement, chacun se laissant aller ou se mettant porté à renchérir sur l'autre? Je ne crois pas que cela a été planifié. Je crois qu'il y a eu un enchaînement et chaque État, chacun de ces deux coqs, dont vous avez bien montré le côté populiste, le côté presque démagogue, eh bien des deux côtés, il y a cette volonté de ne pas laisser l'autre prendre le dessus. Mais pour autant, s'agit-il d'une véritable volte-face, s'agit-il d'un changement ou d'une posture? Je crois que les mois à venir le montreront. Ce à quoi je suis sensible en regardant cette crise, c'est au fait qu'elle se joue sur plusieurs tableaux. En fait, au moins dans trois dimensions, il y a naturellement l'aspect politique, l'aspect international, toujours nourri de nationalisme, éventuellement de passion individuelle. Il y a aussi l'aspect économique, nous l'avons évoqué à propos du passage de ce gazoduc. Et puis il y a même l'aspect religieux, qu'on retrouve constamment au long des siècles, puisque je vois que des députés de la Douma, naturellement des députés nationalistes, ont demandé la restitution de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople à l'Église orthodoxe, rien que cela. Oui, alors ça n'est pas rien, mais symboliquement, évidemment, c'est important. On peut rappeler que Sainte-Sophie a été le siège du patriarche orthodoxe de Constantinople, avant évidemment la chute de Constantinople. Sainte-Sophie est devenue une mosquée dès le 15e siècle. Aujourd'hui, ça n'est plus un lieu de culte, elle est transformé en musée depuis 1931. Donc, on mesure à quel point cette revendication est de l'ordre du symbolique. Mais il n'empêche qu'elle s'inscrit dans cette surenchère et de cette idée que finalement Constantinople, parce que les Russes, au long de leur histoire, continuent de parler de Constantinople et non pas d'Istanbul, eh bien Constantinople touche de très très près l'histoire russe et en tout cas non seulement l'histoire dans les fêtes, mais l'histoire russe dans son imaginaire. Alors peut-être, comme vous le dites, ne s'agit-il pas d'une volte-face, mais enfin, la longue durée des siècles donne le sentiment que ces relations ont été très heurtées, parfois dans un tête-à-tête un peu étroit et parfois à l'intérieur d'un jeu européen et asiatique qui dépasse finalement ce dialogue spécifique entre les deux pays. Oui, c'est ce qui est très intéressant et fascinant et en même temps compliqué, c'est que cette relation russo-ottomane, puis ensuite soviéto-turque et aujourd'hui russo-turque, n'a cessé finalement de traverser des phases de tension, parfois des phases d'entente, mais elle a rarement été une relation purement bilatérale. Elle s'est souvent inscrite dans un jeu complexe de relations internationales. Le terme de question d'Orient, par exemple, le montre bien. Et puis la guerre de Crimée, sur laquelle on va sans doute revenir, est une démonstration, une démonstration de ce jeu très compliqué dans lequel cette relation s'est toujours inscrite. Avec des moments où l'un des deux partenaires prend une place majestueuse, l'autre étant réduit à une position inférieure, et puis ensuite l'inverse. Au début de la période, ce sont les Ottomans qui dominent à l'époque. Partons, si vous voulez bien, de Soliman le Magnifique. Alors, oui, Soliman le Magnifique va avoir un très long règne. Il règne 46 ans, ce qui fait qu'il a le temps, en fait, d'imprimer sa marque. En gros, son règne couvre la première moitié du XVIe siècle, 1520-1566, et il va vraiment conforter la puissance ottomane sur le plan politique, militaire, culturel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une politique expansionniste qui regarde vers l'Europe centrale. Je rappelle pour mémoire qu'il prend Belgrade en 1521, Rhodes en 1522. Bref, il avance face aux Hongrois en 1526 et cette victoire face aux Hongrois va déchaîner une sorte de panique en Europe parce qu'on a vraiment le sentiment d'une puissance qu'on ne peut plus contrer. Et c'est finalement Charles Quint qui va incarner finalement cette résistance à Soliman et en 1529, l'échec de Soliman devant Vienne marque l'arrêt de cette expansion. Donc trois personnages principaux elle, dans l'Europe de l'époque, Charles Quint, François Ier et Soliman dit le Magnifique, Soliman II. Et à ce moment-là, les Russes, pourrait-on dire, sont inexistants, si je puis dire. Petite en tout chose. Cas, face à cette puissance ottomane, il faut en effet bien souligner le contraste dans lequel les deux États se trouvent. La Russie est à ce moment-là, au début, pourrait-on dire, de son développement. On parle encore beaucoup en Europe de royaume de Moscovie. On ne parle pas encore toujours de Russie, ce qui montre bien, d'abord, une référence au noyau autour duquel le pays va se constituer, mais aussi à quel point on n'est pas, du point de vue en tout cas des Européens, face à une puissance russe telle qu'elle le deviendra par la suite. Victor Hugo, dans un poème, parle en effet encore d'un ours de Moscovie. Voilà, alors c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant parce qu'au XVIe siècle, bien que la Russie ait été christianisée depuis 1988, ce qui est quand même représente un processus installé, il n'empêche que dans l'imaginaire des Européens, elle est encore un pays à la périphérie de l'Europe, un pays barbare, un pays asiatique. On peut se référer là au jugement des ambassadeurs de l'empereur du Saint-Empire romain germanique ou des premiers marchands hanséatiques ou des marchands anglais qui se hasardent, qui s'aventurent, pourrait-on dire, en terre russe. Eh bien, ces jugements sont extrêmement, extrêmement sévères. Personne n'aurait parlé comme de Gaulle encore de l'Europe allant jusqu'à l'Oural. Certainement pas, parce que à ce moment-là, dans l'imaginaire européen, la Russie est beaucoup plus en marge que ne l'est l'Empire ottoman, qui a toute sa place dans l'Europe à ce moment-là, a fortiori du fait qu'il avance vers l'Europe centrale. Et c'est tout le paradoxe qu'on a à ce moment-là, donc une Russie qui, sur le plan du développement matériel, scientifique et technique, est en retrait. En revanche, c'est très important, cette Russie de la fin du XVe et début du XVIe siècle, elle est déjà très forte de sa foi religieuse. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que on va évidemment retrouver ce facteur et vous le mentionniez à travers l'épisode de revendication des députés de la Douma. Eh bien, la Russie est forte de sa foi orthodoxe, ses monastères qui lui ont permis finalement de se souder et en particulier de tenir lorsqu'elle a été occupée sous le joug mongol. C'est un point fondamental puisque l'unité de cette Russie va se faire d'une part par des processus internes d'unification de nos différentes petites régions, pourrait-on dire, ou de petites principautés, mais elle va se faire cette unité en se débarrassant du joug mongol. Et c'est un élément très important, puisque en 1480, la Russie est définitivement libérée du joug mongol, mais que, évidemment, la chute de la Horde d'Or s'étant accompagnée de la naissance de petits khanats, prononce-t-on en russe, indépendants. La Horde d'Or, c'est-à-dire Kazan, l'héritage, en fait, de Gengis Khan. Eh bien, cette Horde d'Or entre en affaiblissement, elle va disparaître et elle va laisser un ensemble de petits khanats, Kazan, Astrakhan, la Crimée, Samara, Kokand, Boukhara, qui vont constituer des zones d'intérêt particulier pour la Russie. Or, ce qui nous importe, c'est que ces khanats devenus indépendants sont pour la plupart des vassaux ou des alliés de l'Empire ottoman. Et c'est par ce biais-là que la Russie va rencontrer, si je puis dire, l'Empire ottoman. L'autre élément important dans ce début du XVIe siècle, qu'il faut rappeler, face encore une fois à l'Empire ottoman, c'est que la Russie a reçu le baptême de Byzance et qu'elle se sent l'héritière de Byzance. Tout cela va s'exprimer par un certain nombre de symboles. Le mot tsar, qui correspond à la contraction russe du mot César. Le fait qu'Ivan III a épousé la nièce du dernier empereur de Byzance. Tout cela donc crée déjà une filiation symbolique très forte. Et au début du XVIe siècle, un moine, originaire de Pskov, qui s'appelait Philothée, va écrire au tsar pour le doter d'une mission. Et il va lui dire, voilà, deux Roms sont tombés, Rome, bien sûr, puis Constantinople, sous les coups des musulmans. Troisième Rome. La troisième, c'est Moscou, et il n'y en aura pas d'autre. Autrement dit, la Russie est désormais dépositaire d'une mission symbolique qui est la défense du monde chrétien face aux musulmans. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de très important, puisque cela va, ce mythe qu'on appelle le mythe de Moscou, troisième Rome, va être rejoué, réinterprété, instrumentalisé tout au long des 18e et 19e siècles. Par quoi Constantinople, devenue aujourd'hui Istanbul, prend une importance tout à la fois symbolique et géographique, puisqu'elle est au centre des détroits. Peut-être doit-on rappeler géographiquement, Marie-Pierre Rey, ce que sont ces détroits, avec deux passages étroits précisément. Oui. Cela va être au cœur de cette histoire que nous décrivons aujourd'hui, les rapports entre Russie et Turquie et Empire ottoman. Alors, la question des détroits, elle va se poser évidemment à la Russie à partir du moment où les Russes vont s'avancer vers la mer Noire et où, à partir de là, il va y avoir pour eux un intérêt qui est de contrôler ces fameux passages, ou en tout cas, sinon de les contrôler, du moins de ne pas en laisser le contrôle aux autres. Rappelez-nous ce que sont ces passages. Voilà, il s'agit de deux détroits, les Dardanelles, qui relient la mer Égée à la mer de Marmara. Sa longueur, en gros, c'est une soixantaine de kilomètres, large selon les endroits de 1 à 6, donc on voit que ce n'est pas très très grand. Et puis le Bosphore, qui lui relie la mer Noire à la mer de Marmara, et qui est un peu plus court, une quarantaine de kilomètres. Donc ce sont en fait ces deux détroits qui évidemment constituent un lieu de passage, mais aussi on voit bien un petit goulot d'étranglement, mais qui permettront une sortie de la mer Noire vers la Méditerranée, vers les mers ouvertes, et qui revêtiront au fur et à mesure, encore une fois que la Russie s'est avancée et s'avance vers la mer Noire, revêtiront une importance stratégique pour les Russes. On connaît le mot de Nicolas Ier, l'empereur qui sera d'ailleurs à l'origine du désastre de la guerre de Crimée, qui disait des détroits, ce sont les clés de ma maison, une expression assez forte qui montre à quel point, pour les Russes, cette question des détroits va devenir stratégique. Quoi qu'il en soit, au XVIe siècle, c'est toujours Soliman qui détient les clés. Absolument. Écoutez donc cet extrait d'un opéra consacré à lui par le compositeur allemand Joseph Martin Krauss. On est au XVIIIe siècle. Extrait de l'opéra Soliman II du compositeur allemand Joseph Martin Krauss du XVIIIe siècle, qui reflète bien la gloire qui continue en Europe, y compris occidentale, du personnage majeur qu'a été Soliman. Comment est-ce qu'on peut décrire l'ascension, en somme irrésistible, de la Russie comme nouvel adversaire pour la Turquie à partir de ce XVIIe siècle ? Sous le règne de Soliman, il n'y a pas donc d'affrontement direct entre les Russes et Ottomans. On l'a vu d'abord parce que l'Empire Ottoman est puissant et craint, pourrait-on dire, et parce que d'autre part, la grande affaire du règne d'Ivan le Terrible, ce sera l'expansion russe vers le nord, vers la Baltique. C'est ça qui est à ce moment-là important pour les Russes, la Baltique, la mer du Nord. Mais en même temps, parce que Ivan le Terrible veut mettre la Russie au contact des grandes puissances européennes du Nord, Angleterre, et parce qu'il y a des contacts avec la Ligue hanséatique. Mais en même temps, ses priorités ne vont pas l'empêcher de mener des campagnes contre les fameux héritiers de la horde mongole que je mentionnais tout à l'heure, et en particulier les premiers khanats, les plus proches évidemment du territoire russe, qui sont Kazan et Astrakhan qu'il va conquérir, donc Kazan en 1552 et Astrakhan en 1556. C'est très important, on le voit d'ailleurs dans l'espace russe aujourd'hui, puisque la très jolie basilique de Saint-Basile à Moscou sur la place Rouge est un ex-voto pour remercier Dieu d'avoir soutenu les Russes contre les Khanats. C'est important puisque ces conquêtes vont de facto faire de la Russie un empire, ou en tout cas une structure déjà pluriethnique et pluriconfessionnelle, puisque ces Khanats sont musulmans et donc on va, pour la première fois dans l'histoire russe, avoir donc des musulmans qui entrent dans cette entité. Et du même coup, dépassant les conflits religieux, le tsar pourra expliquer qu'il est légitimé à aller dans des pays qui sont de fait musulmans et non pas à définir une frontière entre orthodoxe et islam. Absolument, et c'est une constante, puisqu'aujourd'hui encore, c'est un discours que les Russes tiennent et qu'ils ont tenu également dans la période soviétique en disant qu'il n'y avait pas en Russie d'opposition à l'islam. Au contraire, l'islam, qui est d'ailleurs de fait hein, la seconde confession présente dans l'Empire russe, donc évidemment un phénomène et une réalité qui compte. D'ailleurs, ça a justifié pendant longtemps la domination de l'URSS sur tous les pays stans que je vais vous demander d'énumérer de mémoire. Des 15 républiques, hein, elles étaient intégrées dans cette structure fédérative qu'était l'URSS. On avait donc plusieurs républiques d'Asie centrale, Azerbaïdjan, Tadjikistan, etc., qui précisément représentaient en fait toute la diversité ethnique, culturelle et confessionnelle de l'URSS, héritière de l'Empire des Tsars, puisque ces républiques correspondent en fait aux anciennes conquêtes de l'Asie centrale effectuées par l'Empire tsariste, en gros entre 1860 et 1880. Ce regard vers le sud qu'esquisse Ivan le Terrible, il va se poursuivre au temps d'un autre personnage majeur qui est Pierre le Grand, qui règne et qui fleurit, comme on dit dans les manuels, qui fleurit au début du XVIIIe siècle. Quel rôle joue-t-il dans cette histoire des relations entre Empire ottoman et Russie ? Alors, Pierre le Grand, lui aussi, va en quelque sorte avoir deux fers au feu, hein, puisque comme Ivan le Terrible, sa priorité, ce sera l'expansionnisme de la Russie vers le nord, avec son offensive victorieuse contre la Suède, qui va lui permettre de fonder Saint-Pétersbourg, hein, sa fenêtre sur l'Europe, selon l'expression classique, fondée donc sur des marais arrachés à la Suède. Fenêtre au nord et clé au sud, c'est ça ? Voilà, en quelque sorte. Mais dans le même temps, il s'intéresse beaucoup au sud et peut-être aussi pour affirmer la nature européenne de la Russie, eh bien, il va rejoindre la coalition anti-turque qui va se forger en 1686, donc coalition qui comprend l'Autriche, la Pologne et Venise. Et ce sera là qu'il y aura donc les premières campagnes de Crimée et puis surtout les campagnes d'Azov menées en 1695 et 1696. Cette affaire d'Azov est très colorée et d'ailleurs elle a été utilisée, qu'est-ce qu'on n'utilise pas actuellement pour les séries? Elle a été utilisée dans une mini-série de Mervyn Chomsky qui est sortie en 1986. Chomsky est un réalisateur américain. Écoutez cet extrait. J'entends bien bouter les Turcs hors de Russie afin que nous ayons une voie maritime vers le sud. Et si nous avons accès à la mer Noire, il nous faudra des bâtiments de haute mer avec des quilles profondes. Nous apprendrons à les construire nous-mêmes, comme nous l'avons fait pour nos bateaux de rivière. Ainsi, messieurs, nous avons là le Don et le Donet sur la rive droite. Nous sommes là, à leur confluent, et le but que nous visons est le fort d'Azov. Alors ce soir, sous le couvert de l'obscurité, nos barques équipées de canons pénétreront dans la mer d'Azov, et elles pilonneront le fort depuis cette position. Majesté. Colonel. Ne seront-elles pas exposées à des tirs venant de ce même fort ? Leurs tirs n'arriveront pas à destination. En dépit de leur position. Nos agents de renseignement nous ont assuré de la vétusté du matériel turc. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il a gagné cette guerre, la vétusté du matériel turc, parce qu'il y a encore beaucoup de prestige de l'Empire ottoman à l'époque constaté, oui, célébré et craint par les puissances occidentales. Oui, vétusté et une grande préparation de Pierre dans cette prise d'Azov. Pierre vraiment va agir avec beaucoup de méthode dans cette campagne d'Azov, et parce que cela correspond aussi à sa volonté de construire une marine militaire efficace, moderne, d'ailleurs organisée par des cadres qui ne sont pas russes, hein, des grands officiers, amiraux, ingénieurs, qui sont souvent étrangers, européens, ouest-européens. Allemands. Voilà, allemands, suédois, anglais, parce qu'il n'a pas des ressources internes suffisantes. Et il a cette intelligence de prendre finalement les compétences là où elles sont pour aboutir à son rêve qui est de faire de la Russie une grande puissance militaire et en particulier une grande puissance maritime. Donc les détroits, donc accéder à la mer. Et il va donc être très victorieux dans cette affaire puisque son grand succès c'est juin 1696, la prise d'Azov et ensuite la prise de Taganrog où il va fonder la première base navale russe en septembre 1698. C'est une avancée qui sera sanctionnée positivement par un traité en 1700, mais c'est un succès fragile car évidemment les Ottomans ne l'entendent pas de cette oreille et 10 ans plus tard, le sultan va s'allier avec Charles XII de Suède, déclarer à son tour la guerre à Saint-Pétersbourg. Pour prendre la Russie en pince. Pour finalement contraindre la Russie à rendre les ports d'Azov et de Taganrog. Donc évidemment, c'est un échec, mais ce sera partie remise. Et ça va être la grande affaire de Catherine II, de réussir là où finalement Pierre, qu'elle estime et pour lequel elle a énormément d'admiration par ailleurs, a échoué. Et en particulier, on en parlait beaucoup ces derniers temps, conquérir la Crimée, puisque Poutine nous a beaucoup dit que la Crimée était immémorialement russe. Oui. En fait, cela ne remonte, si je puis dire, qu'à la fin du XVIIIe siècle. On va retrouver avec Catherine II, finalement, encore et toujours, si je puis dire, deux directions. D'abord, une direction occidentale, la Pologne, puisqu'elle participe et bien, au sens efficacement pour elle, au partage successif de la Pologne. Et en même temps, ce règne de Catherine correspondra à une phase d'expansionnisme actif en direction de la mer Noire. Et c'est là, évidemment, qu'elle va se heurter à l'Empire ottoman. Alors, ce qui est intéressant avec Catherine, c'est que on va avoir l'émergence progressive d'un discours justement messianique qui fait allusion à ce mythe de Moscou, troisième Rome. Alors, il n'est pas encore repris d'une façon aussi directe, mais on commence à parler du rêve grec, qui est un projet porté par Catherine et par son favori, le prince Potiomkin, Potemkin. Je rappellerai, et c'est très symbolique, que les deux petits-fils aînés et préférés de Catherine s'appelleront Alexandre, pour celui qui est destiné au trône de Russie, et Constantin, pour le second, né 18 mois plus tard qu'Alexandre, dont elle espère finalement qu'un jour il sera sur ce trône qu'il s'agit de reconquérir. Donc Alexandre, c'est la Grèce antique, et Constantin, c'est après le ralliement au christianisme. Et c'est la reconquête symbolique. Alors, quelle est la part, en fait, du discours? Quelle est la part de rêve? Quelle est la part de vrai programme? Bon, il ne faut pas non plus trop accentuer cette affaire, mais elle est en tout cas symptomatique d'un intérêt qui est à la fois géopolitique, religieux et je dirais presque sentimental à l'égard de Constantinople, puisque les Russes parlent toujours de Constantinople. Et puis la Crimée, c'est une installation en mer Noire, c'est-à-dire à la fois la présence maritime vers le sud et le besoin encore plus que jamais d'être sûr qu'on peut forcer les détroits. Oui, alors la Crimée, elle va entrer dans l'escarcelle russe en 1783, Catherine l'annexe. C'est évidemment un endroit extrêmement précieux sur le plan stratégique, également aussi sur le plan des ressources, puisque les terres y sont riches, extrêmement fertiles. Le commerce vers le sud. Le commerce, absolument. Bien avant c'est le pétrole. C'est une voie d'accès vers le sud. Un an après l'annexion, les Russes fondent Sébastopol, qui va devenir évidemment la base militaire jusqu'à aujourd'hui, à laquelle ils tiennent le plus en Crimée. Bien entendu, ça ne s'est pas fait, si je puis dire, facilement. Il faut savoir que cette annexion de la Crimée s'est faite en réalité au terme d'un processus de tension, avec une première guerre de 1774 qui se conclut à l'avantage de la Russie et qui se termine par un traité extrêmement important pour les relations russo-ottomanes, qui est le traité de Kutchuk-Kainardji. Alors pourquoi est-il important? Parce qu'il donne l'indépendance au Khanat de Crimée, qui en fait va progressivement passer sous protectorat russe jusqu'à être annexé, comme on l'a dit, en 1783, donc ça c'est un premier élément, mais surtout peut-être, second élément de ce traité, il donne la libre circulation à tous les navires marchands dans les fameux détroits du Bosphore et des Dardanelles, et plus encore, il va reconnaître la Russie comme protectrice de tous les orthodoxes de l'Empire ottoman. Là, on a un tournant dans cette relation entre la Russie et l'Empire ottoman, puisqu'elle se dote d'un droit de regard lié précisément à cette mission dont elle s'est dotée. Ce qui nous ramène, Marie-Pierre, à la question du débat religieux, du débat théologique, de l'affrontement des clergés, et aussi à une question qui est celle de la circulation des culturelles entre l'Empire ottoman et la Russie. Est-ce qu'on se connaît à l'époque? Est-ce qu'on s'influence? Est-ce qu'on vit sur des stéréotypes? Oui, on va avoir des échanges. On a beaucoup d'échanges, beaucoup de circulation, à la fois de marchands, de négociants, parce que la Russie est en contact avec l'Asie, l'Extrême-Orient, et on est là dans une zone précisément de contact. Et ce qui est intéressant, c'est que la conquête de la Crimée, et par la suite, on le voit dans les années du début du 19e siècle, donne lieu à une connaissance mutuelle approfondie, des échanges intellectuels et surtout, au fur et à mesure que les Russes vont s'intéresser à leur Orient, eh bien on va avoir une culture orientaliste qui va se développer et une fascination des Russes pour cet Orient. Orientalisme en Russie, comme se développe l'orientalisme en Occident, je veux dire en France, en Angleterre, au même moment. Oui, c'est un orientalisme double, je dirais. D'une part, scientifique, on commence à avoir les premiers spécialistes de l'Orient qui s'intéressent en Russie. On va commencer à voir des chaires intellectuelles se forger, des sociétés de traduction, etc. Et en même temps, une puissance des imaginaires. On peut mentionner les poèmes de Pushkin faisant référence à cette culture orientale. Qu'on a beaucoup appris par cœur dans les écoles russes et soviétiques, et qui fait partie intégrante de l'imaginaire russe. Au fur et à mesure que d'ailleurs les Russes vont aller vers le Caucase, et en particulier au moment des guerres du Caucase, des longues guerres du Caucase, sur cet imaginaire-là, orientalisé, va s'en greffer un autre qui sera l'Orient, en l'occurrence des Tchétchènes, comme terre de liberté. Et là, c'est intéressant puisqu'on a une autre facette de l'Orient, c'est-à-dire le combattant libre, intraitable. Mais les deux, en réalité, vont finalement se mêler. Au fond, la séquence très brève que nous avons connue depuis quelques mois entre Poutine et Erdogan, qui est d'ailleurs l'occasion de développer cette émission Marie-Pierre Reiss sur les relations de la Russie et de la Turquie sur la longue durée, ce moment correspond de façon ramassée à beaucoup de choses qui se sont passées, notamment dans ce 19e siècle, au moment où l'Empire ottoman est attaqué doublement, à l'intérieur de lui-même, effectivement, par l'Égyptien. C'est toute la complexité, en réalité, de ces relations. C'est qu'on verra à plusieurs reprises, et en particulier en 1831, par exemple, au moment où l'Empire ottoman est en difficulté face au pacha d'Égypte, eh bien, le sultan va faire appel à la Russie. Et on aura donc des troupes russes qui vont soutenir le sultan face à la rébellion interne, entre guillemets, dont il est victime. En fait, au XIXe siècle, l'Empire ottoman entre dans une phase de déclin. Perte progressive des territoires en Europe. Il y a d'abord la Grèce, et puis ensuite, il y aura la perte des Balkans, un peu plus tard. Et il est l'objet de convoitises à la fois des puissances extérieures et aussi l'objet de tensions internes parce qu'il y a dans cet empire des minorités chrétiennes qui veulent soit leur autonomie, soit plus que l'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance. Tout le 19e siècle, en tout cas la seconde moitié du 19e siècle, va être marquée par cette émergence des nationalismes chrétiens de l'Empire ottoman. Émergence qui va poser problème à la communauté internationale. Parce que ce sont à la fois des orthodoxes sympathiques à Moscou et des latins dont, par exemple, Napoléon III, au moment du Second Empire, va se poser comme le protecteur. C'est le temps où, un peu plus tôt que le tsar Nicolas, qui a succédé à Alexandre, celui qui était au temps de Napoléon, parle de l'Empire ottoman comme de l'homme malade de l'Europe. C'est un mot qui a fait bal. Homme malade parce qu'il est bien conscient que l'Empire ottoman est entré dans une phase de déclin. La stratégie russe va être complexe à ce moment-là parce que en réalité, Nicolas Ier va osciller entre deux solutions. Soit on participe au dépeçage de cet Empire ottoman, soit on le maintient, entre guillemets, sous perfusion, mais en s'assurant d'une relation privilégiée avec cet empire qui, évidemment, laisse de côté la Grande-Bretagne et l'Autriche-Hongrie. Les différentes puissances européennes ont tendance à réagir de la même façon, c'est-à-dire l'Angleterre se disant, elle aussi, que finalement, elle veut garder l'Empire ottoman sous une forme d'entité indépendante pour se préserver la route des Indes, pour finalement être tranquille dans cette voie vers les Indes et l'Afghanistan. Et on retrouve un peu cette politique du statu quo défendue par la Grande-Bretagne. Et c'est aussi ce qui explique la célèbre guerre de Crimée. Revoilà la Crimée dans les années 1850. Et pour en dire un mot, je vais vous proposer en introduction cet extrait d'un film très connu, très fameux, de Michael Curtis, qui s'appelle « La charge de la brigade légère ». Ce film se situe précisément dans ce décor-là. Les compliments de Sir Charles Messfield au général Scott. Il n'y a pas de nouveaux ordres. Dès que le conseil de guerre sera terminé, je le préviendrai. Bien, mon commandant. Nous devons attaquer Sébastopol. L'inquiétude du général Canrobert est peut-être provoquée par le fait que notre ravitaillement s'épuise. Lord Raglan comprend parfaitement. Ne voyez-vous pas, Lord Cardigan, que la flotte de la Baltique est inutile? La flotte turque, j'ai le regret de le dire, a été détruite par les Russes à Sinope. La récente tempête a démoli non seulement la flotte russe, mais encore un navire français des plus importants. Mais vous sous-estimez nos ressources, général. Voyez-vous-même. Nous tenons Sébastopol assiégé et nos forces sont les Russes à leur merci. De plus, jusqu'à présent, aucune occasion réelle d'attaquer Sébastopol ne s'est présentée. Avez-vous lu les dépêches au sujet des Cosaques qui mettent à sac les villages isolés de Turquie? C'est un vieux truc, vous savez, d'exciter son voisin à la guerre. Et quand on connaît le besoin vital qu'ont les Russes d'avoir des ports libres sur la mer... France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Vision britannique, naturellement. Les Français n'apparaissent qu'avec le naufrage d'un de leurs navires. En fait, c'est un cas de rencontre entre la diplomatie britannique et la diplomatie française de Napoléon III. La guerre de Crimée est un moment fort, évidemment, dans cette relation russo-ottomane, mais justement parce que on n'est plus dans le cadre d'une relation bilatérale, mais dans une relation beaucoup plus complexe. Au départ, de quoi s'agit-il? Au départ, on peut parler, selon le mot bien connu, d'une querelle de moines, puisque C'est-à-dire... il s'agissait en fait, au départ, d'une querelle touchant au lieu saint. Les catholiques, les latins d'Orient voulaient l'accès à l'église de la Nativité de Bethléem, voulaient avoir l'autorisation d'y officiers, alors que jusque-là, c'était un lieu qui était accordé seulement au patriarcat grec orthodoxe. Napoléon III est à ce moment-là engagé dans une politique un peu de séduction, si je puis dire, à l'égard des catholiques français. Et donc, il va vouloir se faire le protecteur de ces catholiques et des latins d'Orient. La Russie, dont on a dit que depuis le traité de Kuchuk-Ainarji, elle s'estimait protectrice des orthodoxes, eh bien, va prendre le camp des orthodoxes, garant jusque-là exclusif des lieux saints. Comme toujours, la religion est à la fois... un symbole et un enjeu. Alors, c'est un enjeu, c'est un symbole et c'est aussi, je dirais, un prétexte parce qu'en réalité, derrière ce prétexte des lieux saints, ce qui va se jouer et ce qui va expliquer que l'Angleterre, qui au départ n'est pas concernée par cette question, va entrer dans le jeu, ce qui en réalité se joue à ce moment-là, c'est la puissance russe dans cette zone. C'est-à-dire le fait que la Russie, aux yeux des Britanniques comme aux yeux des Français, est en train de prendre beaucoup trop de place dans les Balkans et vis-à-vis de l'Empire ottoman. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette guerre de Crimée, c'est que finalement, on va avoir une alliance de puissances chrétiennes et musulmanes face à une puissance orthodoxe. Autrement dit, on n'est pas dans le mythe d'un clash confessionnel, mais bien dans des enjeux de type géopolitique. Donc la guerre va débuter en octobre 53, elle sera extrêmement dure, elle se joue principalement en Crimée, d'où son nom, mais il faut savoir que les alliés donc, vont également attaquer par le nord, par la mer du Nord, qui est évidemment un épisode beaucoup moins connu. Alors les opérations sont cristallisées en Crimée, parce que les alliés franco-anglais turcs vont attaquer et entrer justement par les détroits pour en particulier se lancer à l'attaque de Sébastopol qui sera assiégée et le siège de Sébastopol va durer un an jusqu'à la prise de Sébastopol, d'où le mot fameux du général MacMahon, enfin, voilà. Maréchal MacMahon plus tard, j'y suis, j'y reste. Oui, cette prise de Sébastopol sera marquée par la prise du fort de Malakoff, forteresse donc qui là aussi sera inscrite mémoriellement dans la topographie française. La guerre de Crimée sera terrible aussi parce que, non seulement par les morts au combat, mais parce que c'est une guerre très très meurtrière sur le plan des épidémies, typhus, les hommes vont être touchés par le typhus, par le scorbut, et c'est de ce point de vue-là une guerre terrible, aussi parce qu'il y a un perfectionnement des armes qui va enclencher des blessures inédites à ce moment-là. Ce sera bientôt la guerre de... la guerre de sécession aux États-Unis, qui va être la première grande guerre industrielle moderne. Est-ce que dans la mémoire aujourd'hui des Russes et des Turcs, il reste beaucoup de choses de cette guerre de Crimée? Est-ce que c'est un des éléments de friction possible, de manuel en manuel, d'école en école? Non, je ne pense pas que ce soit un élément de friction. En revanche, c'est un épisode extrêmement présent dans la mémoire collective russe. Oui, parce que c'est une défaite terrible qui a contraint les Russes à s'interroger sur eux-mêmes. Mais de ce point de vue-là, ça a été un tournant psychologique et politique majeur, puisque Nicolas Ier était convaincu de la supériorité militaire de la Russie, qui en fait n'aura pas lieu, ne sera pas du tout adéquate. Et au contraire, son fils va tirer les leçons de cette guerre de Crimée en étant conscient de l'archaïsme dans lequel le pays s'est enfoncé, pourrait-on dire. Alors venons-en au XXe siècle, qui est le siècle dramatique à la fois du côté de l'Empire russe et du côté de l'Empire ottoman, puisque l'un et l'autre s'écroulent dans le tout début du XXe siècle. C'est lié bien sûr à la guerre. Dans le cas de la Turquie, il y a un renversement des pouvoirs en place par les jeunes Turcs dès 1908. Puis il y a ce choix opposé, la Russie étant du côté des alliés de la Grande-Bretagne et de la France, et au contraire la Turquie rejoignant les empires centraux pour son grand dommage, évidemment, après la défaite de ceux-ci. Peu avant, il y a déjà eu l'affaire des Balkans, puisque toutes les guerres très compliquées des Balkans, entre 1908 et 1913, ont finalement abouti à ce que la Turquie perde progressivement son emprise en Europe. Il n'y a plus que Constantinople, en fait, et son hinterland qui correspondent à une présence de la Turquie du côté de l'Europe. La première décennie du XXe siècle est clairement marquée par un reflux, un recul permanent, si je puis dire, de la Turquie, qui est finalement repoussée d'Europe, évidemment modifie la structure de cet empire, et il sera accentué par le bilan de la Première Guerre mondiale. Ces aspects guerriers et diplomatiques sont évidemment essentiels, mais en même temps cheminent du côté de la Russie et de la Turquie au XIXe siècle des mouvements en profondeur qui sont des mouvements d'intérêt intellectuel. Par exemple, les intellectuels russes qui s'intéressent au panturquisme. Oui, on aura l'émergence dans certains cercles, dans le dernier tiers du XIXe siècle, l'émergence d'un intérêt chez certains lettrés originaires de Kazan ou de Crimée, un intérêt pour l'idéal pan-turc. C'est assez fascinant de constater que finalement le pan-turquisme ne va pas émerger de Turquie initialement, parce que ce pan-turquisme fait référence à un passé pré-islamique, qui est justement un passé où il y a aussi cette composante qu'on pourrait qualifier de turco-mongole. C'est-à-dire réunir les différents peuples qui parlent turc, selon des variantes éventuelles de ce turc-là, mais qui peuvent à peu près se comprendre. Et qui ont été à un moment donné de leur histoire en contact. Et c'est ce qui expliquera que ces cercles intellectuels viennent de Kazan, viennent de Crimée, c'est-à-dire de ces fameuses terres qui faisaient partie de la Horde d'Or et qui vont se trouver donc intéressées par cette idée qu'il faut repenser des liens nouveaux, culturels, intellectuels, philosophiques avec la Turquie. On aura certaines figures particulièrement importantes, comme Ismail Gasprinski, par exemple, qui va jouer un rôle important dans cette émergence. Quel rôle ? Eh bien, en termes de, il écrit beaucoup et il va justement mettre en avant ses racines culturelles et la nécessité pour la Turquie de servir de noyau fédérateur et de répondre finalement au panslavisme qui se développe au même moment en Russie. C'est-à-dire qu'on a vraiment de nouveau une forme de rivalité en quelque sorte, malgré tout. Mais c'est intéressant de voir que on a dans cet empire tsariste, au même moment, je dirais, à la fois des tenants du panslavisme et des tenants du panturquisme. Le panslavisme ayant inquiété évidemment autant l'empire d'Autriche-Hongrie que l'empire ottoman avant la guerre de 14. Bien sûr, bien sûr. Mais il est assez notable que il y ait souvent résurgence de cette inquiétude chez les autres peuples, dans les autres chancelleries, d'une éventuelle rencontre entre la Russie et la Turquie. Par exemple, cette crainte étonnante, avec le recul, d'une armée verte dans les années 20 qui pourrait voir se rapprocher les Soviétiques d'un côté et Mustafa Kemal qui est en train de refonder une Turquie moderne, une Turquie laïque, une Turquie qui se veut fière d'elle-même. Alors, les relations entre la Turquie kémaliste et la Russie soviétique, puis URSS après, sont singulières. Elle commence mal, pourrait-on dire. Elle commence mal puisque il y a ce passif de la Première Guerre mondiale, et puis il y a aussi le passif, si je puis dire, de la question arménienne, puisque en 1920, à l'automne 20, les Russes vont finalement défendre l'Arménie menacée par les troupes de Mustafa Kemal. Donc il y a eu des points de friction, des points de tension, voire de conflit, mais au-delà, on va assister à un rapprochement qui va faire peur aux puissances d'Europe occidentale, en particulier britannique. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui pouvait laisser penser qu'il y avait un rapprochement ? D'abord, on aura évidemment chez Mustafa Kemal l'affirmation d'une république qui porte un discours laïque, séculier, moderne, qui intéresse les soviétiques, puisqu'ils sont un peu sur cette même longueur d'onde. Et puis il y a un deuxième facteur qui est qu'au moment où Kemal prend les rênes du pouvoir, les soviétiques, bon, qui sont un peu déçus par les perspectives de plus en plus ratées, si l'on peut dire, d'expansion du communisme en Europe, commencent à s'intéresser à l'idée de voir apparaître un communisme en Orient. Et ce sera l'origine du congrès de Bakou de septembre 1920. Sur le long terme, ce sera l'apparition de toutes les républiques soviétiques du Sud. Alors, ces républiques qui vont être dotées d'une entité, par le biais de ces républiques fédérales, et qui représentent la présence soviétique en terre musulmane. Dans la logique de Kemal, bien évidemment, il ne s'agissait pas forcément, et de fait, il n'ira pas dans cette direction, d'être favorable au communisme. Il voudra s'arrêter aux bornes d'un régime laïque, séculier, avec une armée forte, mais il n'y aura pas de bolchevisation dans la perspective kémaliste. Mais il n'empêche que les soviétiques ont caresser ce rêve, si l'on peut dire, pendant un bref laps de temps. Cela n'a pas empêché par la suite des relations d'amitié de s'établir. On peut mentionner un traité d'amitié et de fraternité en 21, puis ensuite un second traité en 1925, qui atteste surtout, d'ailleurs, à mon sens, la volonté de Mustafa Kemal de finalement donner toute latitude à la politique étrangère turque en se gardant de toutes parts. Et il aura d'ailleurs une formule qui plus tard en 1930 dit la Turquie ne doit être ni fasciste ni communiste. Donc on voit bien son souci de ménager la chèvre et le chou. Vous évoquez l'Arménie. Il y a évidemment le génocide arménien sous les coups des Turcs en 1915-1916, qui est le fruit vénéneux de la Grande Guerre et probablement aussi de la guerre avec les Russes à ce moment-là. Et comment cette question de l'Arménie évolue-t-elle ? Est-ce que c'est une pomme de discorde ensuite entre Russie et Turquie ? Vu d'aujourd'hui, c'est important. L'Arménie, en fait, lorsqu'elle est attaquée par les troupes de Mustafa Kemal, va être défendue par l'armée soviétique. Mais en réalité, les Arméniens vont être un peu dupés tout de même, puisqu'ils monnaient en quelque sorte le soutien soviétique contre la création d'un mouvement, d'un comité révolutionnaire de la République socialiste d'Arménie, qui préfigure en réalité l'intégration de cette Arménie protégée des Turcs dans l'entité soviétique. Et c'est ce qui expliquera qu'une des 15 républiques fédérées sera la République d'Arménie. Alors je voudrais que nous achevions cette conversation, Marie-Pierre Rey, consacrée aux relations entre Russie et Turquie sur la longue durée, en évoquant bien sûr la Seconde Guerre mondiale qui est précédée en 1936, toujours la question des détroits, par une convention dite de Montreux en Suisse qui est toujours en vigueur sur la libre circulation entre la Méditerranée et la mer Noire. La pression est assez forte actuellement que de nouveau, ça devient un élément de débat entre Poutine et Erdogan dans leur affrontement passionnel de ces temps-ci. La convention de Montreux, dont vous avez rappelé la teneur et qui est conclue en 1936, marque un tournant dans le statut de ces détroits au XXe siècle. Donc dans les relations entre les deux pays. Et dans les relations entre les deux pays. Staline sera peu content, si l'on peut dire, de cette convention et il voudra, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la réviser. Et cette agressivité, pourrait-on dire, nouvelle des soviétiques à l'égard de la Turquie va jouer un rôle sensible, majeur, dans l'évolution de la Turquie vers la protection, pourrait-on dire, américaine. Et le choix du parapluie américain dans lequel donc la Turquie s'engage avec son appartenance à l'OTAN. De ce point de vue-là, cette guerre froide a pesé durablement de nouveau sur la relation entre la Russie et la Turquie, puisque on n'est plus dans la logique de bon voisinage comme dans la période kémaliste. Deux camps face à face. Voilà, on est passé à la perspective d'une Turquie qui appartient à l'OTAN, qui abrite des bases américaines et relativement proche, bien sûr, du territoire soviétique, ce qui va alimenter, sinon une paranoïa, du moins une méfiance extrême de la part des soviétiques. D'ailleurs, on le voit bien au moment de la crise des fusées de Cuba de 1962, puisque pour obtenir finalement qu'il y ait une désescalade de la tension contre le retrait des fusées de Cuba, les États-Unis proposent un allègement, en tout cas, de leur présence dans le pays de l'OTAN qu'est la Turquie. Absolument, et c'est un symbole fort. On peut rappeler d'ailleurs que la Turquie a été neutre dans la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi d'ailleurs les espions y pullulaient. On se rappelle Cicéron, le fameux espion allant photographier des documents essentiels dans le coffre de von Papen, qui est l'ambassadeur d'Allemagne, de l'Allemagne nazie à Ankara. Venons-en pour finir au moment où l'URSS disparaît. C'est-à-dire que la Turquie est à ce moment-là placée devant la question renouvelée de ses relations avec la Russie qui réapparaît. Et si on pense à cet affrontement tout récent de Poutine et d'Erdogan, il est évidemment intéressant de considérer quels espoirs il y a pu avoir en Turquie d'une normalisation et d'un développement des relations économiques en particulier. J'ai choisi pour vous le faire entendre ce propos d'un homme d'affaires turc qui s'appelle Ishak Alaton et qui évoque cette pénétration de l'économie turque dans l'ex-Union soviétique dont il rêve. On est le 28 avril 1993. C'est une émission de France Culture. Le marché commun n'a pas accepté la demande de la Turquie de participer comme membre associé. Et nous avons un proverbe turc qui dit « Quand Dieu te ferme une porte, il ne tardera pas à t'en ouvrir une plus grande porte. » Et cette grande porte, c'est la Russie et les autres États de l'ancien empire soviétique. Je peux même vous dire que cette porte est bien plus grande que le marché commun actuellement pour la Turquie. Oui, mais est-ce important pour vous que certaines de ces républiques soient de langue turque? Parce que il y a quand même une façon de privilégier le rapport avec ces républiques qui n'est pas seulement économique, mais aussi idéologique et politique. Il y a derrière ces investissements, peut-être pas de la part des industriels, mais de la part du gouvernement, l'idée de trouver une union, une unité de langue turque. Je pense qu'il ne faut pas exagérer l'importance des liens de parenté entre ces pays et la Turquie. Il est vrai que tous ces pays sont musulmans. Il y en a 40 pays musulmans dans le monde entier. Il est aussi vrai que les peuples des pays de l'Asie centrale et le peuple turc ont des racines communes. Mais tout ceci doit être pris dans sa juste mesure, sans aller dans des excès d'enthousiasme, de retrouvailles des frères, ce qui peut dégénérer dans des déceptions et plus tard peut-être même des accusations. Alors en fin de compte, je pense qu'il faut baser nos relations sur des principes de relations amicales, tout en développant l'intégration de nos économies en forme d'échanges de commodités, qui automatiquement entraîneront des échanges culturels et sociologiques. Donc l'économie devra avoir la première importance. Cette archive, Marie-Pierre Ray, provient de l'émission Panorama. C'est une émission spéciale consacrée à la Turquie le 28 avril 1993. Cet extrait s'inscrit bien dans l'ère du temps, dans l'ère d'alors, parce qu'il y avait une vague d'enthousiasme. Les Turcs, en effet, débarrassés finalement du poids de la guerre froide, retrouvaient leur latitude. Ils n'étaient plus prisonniers de ce carcan. Il y avait donc cette espérance qu'ils pouvaient aller de l'avant, aller vers le marché russe sur un plan économique, mais également, on le voit bien dans l'extrait, d'un point de vue culturel. En annonçant qu'on renonçait au panturquisme, en fait. Oui, mais en même temps, c'est une autre forme de panturquisme. C'est-à-dire un intérêt retrouvé de la Turquie pour les anciennes républiques d'URSS. Et on peut évoquer en 92, juste un an avant l'extrait, un sommet qui a eu lieu entre les Turcs et les différents chefs d'État d'Asie centrale, qui étaient donc désormais indépendants, dont l'Azerbaïdjan, Turkménistan, Ouzbékistan, etc., à Ankara, et c'était un symbole fort, sommet qui avait pour objectif de développer les contacts. C'est à ce moment-là que les chaînes de télévision, de radio, diffusés par le satellite Turksat, qu'on commençait à diffuser dans ces anciennes républiques et qu'on a vu des réseaux scolaires, des journaux, etc., de langue turque être diffusée vers les anciennes républiques soviétiques. Donc on a vraiment eu, pendant je dirais une dizaine d'années, vraiment une effervescence intellectuelle, culturelle, qui allait de pair avec la signature d'un certain nombre de contrats, et qui finalement était aussi le corollaire du fait qu'au même moment, la Turquie reste dépendante sur le plan économique des ressources énergétiques russes. Donc c'est une sorte de relation assez riche qui se met en place, et je dirais, on était sur cette lignée jusqu'à l'incident militaire très grave dont on a parlé en début d'émission. Et évidemment, ce nouveau, pourrait-on dire, panturquisme turc à l'égard des anciennes républiques indépendantes, anciennes républiques soviétiques, n'est pas non plus forcément toujours vu d'un bon œil par Moscou. Moscou veut quand même conserver un droit de regard privilégié, hein, c'est ce qu'elle appelle l'étranger proche, sur ces anciennes républiques. Donc, il y a des intérêts mutuels à cette relation, à cette expansion, pourrait-on dire, de la Turquie vers les anciennes républiques soviétiques en termes d'économie, de culture, mais au même moment quand même, une certaine méfiance de la part de la Russie qui n'aime pas bien voir les Turcs s'avancer trop près de ces zones d'intérêt privilégiées. Ce qui domine cependant, c'est bien le sentiment d'un rapprochement, d'une assez bonne entente, que dont ont témoigné les rencontres très fréquentes avant qu'ils se disputent. Oui. Entre Poutine et Erdogan, il y a peut-être aussi une frustration partagée envers l'Ouest, envers les pays occidentaux, au moment où la Turquie n'obtient pas un accueil à bras ouverts de l'Europe, à quoi elle aurait probablement aspiré, elle aurait sûrement aspiré, au moment où la Russie commence d'avoir des difficultés également avec les puissances occidentales et avec notre Europe. Et puis peut-être l'impression que il peut y avoir du point de vue de la sécurité un terrain d'entente dans cette région du monde. Alors oui, et l'extrait le montrait bien. Il y avait cette allusion au fait que la Turquie était peut-être déçue d'être maintenue, contenue, pourrait-on dire, en périphérie de l'Union européenne, au moment où la Russie n'est pas non plus tout à fait satisfaite de son partenariat avec l'Union européenne. Donc on a finalement deux pays un peu déçus de leur relation avec l'Europe, déçus aussi pour ce qui concerne la Russie, des relations avec les États-Unis, et on a une sorte de rapprochement peut-être qui se fait précisément parce qu'il y a cette déception à l'égard de l'Europe. Une évolution qui s'est achevée apparemment de façon brutale dans les dernières semaines, en novembre dernier. Merci Marie-Pierre Rey, merci. Vous donnez ces jours-ci à des lecteurs qui sont très impatients de vous lire un ouvrage consacré à la Russie en face de l'Europe, autre direction, puisque nous avons parlé du Sud aujourd'hui, la Russie vers son Ouest, la Russie face à l'Europe, d'Ivan Le Terrible à Vladimir Poutine, l'éditeur est Flammarion. Je voudrais également citer, en leur rendant hommage, vos travaux sur l'époque de Napoléon et de la campagne de Russie. Il y a un très beau livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « L'effroyable tragédie ». C'est pas gai, mais c'est passionnant. « L'effroyable tragédie, une nouvelle histoire de la campagne de Russie », également chez Flammarion. Vous êtes fidèle à vos éditeurs ? Fidèle à mes éditeurs et très heureuse de vous dire que le livre vient de sortir en russe et que mon traducteur vient d'obtenir un prix, le prix de la meilleure traduction d'un texte de non-fiction, meilleur prix d'une traduction du français au russe. Comment s'appelle ce traducteur ? Alexei Tcherechenko. S'être traduit dans le pays dont on traite d'autre part, quand on a été ennemi, c'est signe qu'on a une impartialité à prouver. C'est comme ça que vous le prenez ? C'est un compliment en tout cas, oui. Vous avez également donné la biographie d'Alexandre Ier, le tsar qui vainquit Napoléon, toujours chez Flammarion, en 2013. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, trouver, vous le savez, une bibliographie complète sur notre site, plus complète encore, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission très longtemps, jusqu'à ce que la Turquie et la Russie tombent à nouveau dans les bras l'un de l'autre. Samedi prochain, nous reviendrons en France pour parler des relations, des oppositions, des difficultés entre deux gauches, lorsque la gauche est au pouvoir, entre celle qui s'adapte aux nécessités des décisions gouvernementales et celle qui refuse cela. Autrement dit, y a-t-il des frondeurs toujours quand la gauche est au gouvernement ? Ma réponse sera oui, et ce sera Marc Lazare qui sera mon invité. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lampeur, une émission réalisée comme chaque samedi par Patrick Molinier, avec Myriam Guillot à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et Nathalie Durand, trois Nathalie, Nathalie Durand pour les Archivinas. Et dans quelques instants, je passerai le témoin à Christine Ockrent pour Affaires étrangères.